Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque cordiale affection et quelque compassion, rendez ma joie parfaite, étant d'un même sentiment, ayant un même amour, n'étant qu'une même âme, et consentant tous à une même chose. Que rien ne se fasse par un esprit de dispute, ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur l'un estime, l'autre plus excelle que soi-même. Ne regardez point chacun à votre intérêt particulier, mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les autres. Qu'il y ait donc en vous un même sentiment qui a été en Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Cependant il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, et a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou se ploie, tant de ceux qui sont aux cieux, que de ceux qui sont en la terre, et au-dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ainsi que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, employez-vous à votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous avec efficace le vouloir, et l'exécution, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu de la génération corrompue et perverse, parmi lesquels vous reluisez comme des flambeaux au monde, qui portent au-devant d'eux la parole de la vie, pour me glorifier, en la journée de Christ, de n'avoir point couru en vain, ni travaillé en vain. Que si même je sers d'aspersion sur le sacrifice, et le service de votre foi, j'en suis joyeux, et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi pareillement soyez-en joyeux, et réjouissez-vous-en avec moi. Or j'espère, avec la grâce du Seigneur Jésus, de vous envoyer bientôt Timothée, afin que j'aie aussi plus de courage, quand j'aurai connu votre état. Car je n'ai personne d'un pareil courage, et qui soit vraiment soigneux de ce qui vous concerne. Parce que tous cherchent leur intérêt particulier, et non les intérêts de Jésus-Christ. Mais vous savez l'épreuve que j'ai faite de lui, puisqu'il a servi avec moi en l'Évangile, comme l'enfant sert son père. J'espère donc de l'envoyer, dès que j'aurai pourvu à mes affaires. Et je m'assure en notre Seigneur, que moi-même aussi j'irai vous voir bientôt. Mais j'ai cru nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre, et mon compagnon d'armes, qui aussi m'a été envoyé de votre part pour me fournir ce dont j'ai eu besoin. Car aussi il désirait ardemment de vous voir tous, et il était fort affligé de ce que vous aviez appris qu'il avait été malade. En effet il a été malade, et fort proche de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé à cause de cela avec plus de soin, afin qu'en le revoyant vous ayez de la joie, et que j'aie moins de tristesse. Recevez-le donc en notre Seigneur, avec toutes sortes de joie, et ayez de l'estime pour ceux qui sont tels que lui. Car il a été proche de la mort pour l'œuvre de Christ, n'ayant eu aucun égard à sa propre vie, afin de suppléer aux défauts de votre service envers moi.